marchant de sable m'attend, j'entends son cœur qui bat, mais mes insomnies me guettent et mettent à mal ma foi. Le tonnerre gronde, où se cache l'espoir, je sais pas. Mes rêves soit s'effondrent, soit glissent entre mes doigts. Je marche tête baissée, sous la pluie, sous ma bichka. Je mâche mon passé, je rumine, qu'est-ce que je fous là. Faut que je rentre, une heure sonne l'appel du matelas. Je croise personne dans les rues, car ici tout est froid. À commencer par moi, je m'abandonne lorsque je sens que son absence ronge mon abdomen. Phénomène bien connu, peuplant mes nuits sans sommeil. Mais au carrefour, changement de programme, la ville m'appelle malgré l'étoffe trempée. Les déboires de la veille vont finir rincés ou couler au fond d'une bouteille. Mes premières nuits sans sommeil, je sais même plus à quand ça remonte, la léthargie. Et mon maître et mon cerveau, je les démonte. J'aperçois comme une ombre, un homme dort sous un porche, même le sol. Certains diront que la vie est moche, d'autres qu'elle est belle, mais folle. Encore faut-il la dominer, de la tête et des épaules. J'étouffe cette pensée dans un râle, dans un coin. Des jeunes ricanent, ça prépare un coup. Ce soir encore, c'est l'innocence qui gagne. Rien qu'une petite connerie et leur âme trépigne. La ruse, ils embrassent, pendant que dans le quartier d'à côté, il y a la rue qui s'embrase. Les murs prennent une teinte chasseuse sous l'effet du gyrophare. Trois troufions basses freinent pour des cowboys venus du Texas. Et c'est ça chaque nuit dans toutes les villes de province. Témoin de tout ce qui s'y passe, je suis un chat sur vos toits. Le marchand de sable m'attend pendant que la nuit me coince en bas. L'animal nocturne qui déambule à toute heure.